Vous ne pourrez me nuire. Vous ne pourrez me faire du mal au point de me nuire. Et vous ne pourrez me faire du bien au point de m'en faire profiter. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, seraient tous sur le cœur le plus pieux parmi vous, ceci n'augmenterait en rien dans ma royauté. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, serait sur le cœur le plus mauvais parmi vous, ceci ne diminuerait en rien à ma royauté. Ô mes serviteurs, si le premier d'entre vous et le dernier d'entre vous, les hommes et les djinns, se levaient dans une même place et que chacun me demanderait un besoin et que je donne à chacun ce qu'il m'a demandé, ceci ne diminuerait de ce qu'il y a auprès de moi que comme l'aiguille diminue l'immensité de la mer lorsqu'elle est entrée dedans. Ô mes serviteurs, tels sont vos actes que je note pour vous. Puis, je vous récompenserai en fonction de cela. Donc, quiconque trouve du bien, qu'il loue Allah, qu'il remercie Allah. Et quiconque trouve autre que cela, alors qu'il ne blâme que lui-même. Rapporté par Muslim. Hadith يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو ما يسمى بالحديث القدسي. Donc ce hadith est un hadith immense que le prophète صلى الله عليه وسلم rapporte de son Seigneur. Et c'est ce que l'on appelle un hadith qudsi. Un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith sacré. أن الحديث على قسمين. حديث قدسي وهو ما كان من كلام الله سبحانه لفظه ومعناه وحديث نبوي الثاني حديث نبوي وهو ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Car en effet, les hadiths sont de deux types. Il y a le hadith qudsi, hadith divin. Le hadith divin qui fait partie de la parole d'Allah. Les termes du hadith et le sens du hadith proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième type de hadith, ce sont les hadiths prophétiques. Le premier, c'est le hadith divin, dont les termes et le sens proviennent d'Allah. Et le deuxième, c'est le hadith prophétique, qui fait partie des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fal hadith al-qudsi kama qulna lafdhuhu wa ma'nahu min Allah wa yarwihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an rabbih bi lafdhihi wa ma'nahu. Donc le hadith qudsi, le hadith divin, ses termes et son sens proviennent d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapporte d'Allah. وأما الحديث النبوي فمعناه من الله أي هو وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. Quand le hadith prophétique, lui, son sens provient d'Allah, car c'est une révélation d'Allah, mais les termes proviennent du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc, telle est la différence entre un hadith qudsi et un hadith prophétique. Un hadith divin, hadith qudsi, Les termes et le sens de ces termes proviennent d'Allah. Et le prophète sallam nous rapporte cela. Alors que le hadith prophétique, le sens provient d'Allah, mais les termes, ce sont les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est. ففي هذا الحديث أمور عظيمة. Donc dans ce hadith, il y a d'immenses choses à tirer, d'immenses leçons à tirer. قوله سبحانه يا عبادي. Lorsqu'Allah dans ce hadith, il dit ô mes serviteurs. وتكرار ذلك مع كل فقرة من فقرات الحديث يدل على تلطف الله جل وعلا بعباده ورأفته بهم. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith divin, il répète à chaque fois ô mes serviteurs, ô mes serviteurs, ô mes serviteurs, hein, dans chaque paragraphe de ce hadith, le fait qu'Allah dise cela, ça montre la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses serviteurs et l'intérêt qu'il leur porte. فَإِنَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُمْ وَمَعَ ذَلِكَ يَدْعُوهُمْ وَيُؤَكِّدُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ مَصْلَحَتِهِمْ. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe d'eux, il se passe de toutes ses créatures, il se passe de tout le monde, il n'a besoin de personne. Et malgré cela, il les appelle et il insiste en les appelant. Pourquoi? Pour qu'ils tirent profit de ce qu'il est en train de leur dire. والعبودية هي التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. Et la servitude, le fait d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de se rabaisser, de s'humilier, de se soumettre à Allah. فَكُلُّ النَّاسِ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ وَجِنِّهِمْ وَإِنْسِهِمْ وَمَلَائِكَتِهِمْ كُلُّ الْخَلْقِ عِبَادٌ لِلَّهِ بِالْمَعْنَى الْعَامِ كُلُّهُمْ عِبَادٌ لِلَّهِ مَمْلُوكُونَ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِمْ مَخْلُوقُونَ لِلَّهِ لَا أَحَدَ يَخْرُجُ عَنْ هَذَا. Donc tout le monde, qu'il soit croyant ou mécréant, un djinn ou un homme ou un ange, toutes les créatures sont des serviteurs d'Allah d'un point de vue général. Car tous appartiennent à Allah. Tous appartiennent à Allah et c'est lui qui les dirige et c'est lui qui les a créés. Nul ne sort de cela. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Allah le Très-Haut dit dans la traduction rapprochée du sens du verset. Et tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre viendra vers le Tout Miséricordieux en tant que serviteur. وهذه عبودية قهر واضطرار لا أحد يخرج عنها تجري عليهم أقدار الله وقضاؤه. Et donc cette servitude, c'est une servitude obligatoire et inévitable. Personne ne sort de cela, car toutes les créatures subissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a décrété parmi les choses qui doivent se passer sur terre. النوع الثاني من العبودية عبودية خاصة وهي عبودية الاختيار وتكون بطاعة الله تعالى والانقياد له. Il y a un deuxième type de servitude qui est la servitude spécifique, qui est une servitude de choix. Et qui est le fait d'obéir et de se soumettre à Allah. وهي باختيار العبد إن شاء فعلها وإن شاء تركها فهي عبودية خاصة. Et donc, c'est selon le choix de chacun. Celui qui veut le faire, celui qui veut se soumettre et qui veut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait. Et celui qui ne veut pas, il ne le fait pas. Et donc, c'est une servitude spécifique. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Allah, il dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, certes mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Il s'adresse au shaitan, il s'adresse à Satan, au diable. Il lui dit, certes mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. Inna ibadi al-murad al-ubudiyyat al-khassa. وهم المؤمنون ليس للشيطان عليهم سلطان لأن الله قد حماهم منه بسبب أنهم لجأوا إلى الله وعبدوه سبحانه فهذه عبودية خاصة. Donc, dans ce verset, lorsqu'Allah il dit, certes mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, les serviteurs dont il parle dans ce verset, ce sont ceux qui se sont soumis volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont les croyants. Eh bien, ces gens-là, les croyants, le diable n'a pas de pouvoir, n'aura pas de pouvoir sur eux, car Allah les protège. Allah les protège du fait qu'ils se sont tournés vers Allah et qu'ils l'ont adoré. Donc, ceci est une servitude spécifique qui est faite par choix, qui est faite par libre choix. Allah yukhatibu jami' al-ibad. Wa yaqulu ya ibadi bihadha an-nida' al-ilahi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith, il s'adresse à toutes les créatures. Et il dit, Ô mes serviteurs, par cet appel divin, Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice et je vous l'ai rendu interdite, donc ne commettez pas d'injustice. Adh-dhulmu fil lugha L'injustice dans la langue arabe, le mot injustice dans la langue arabe, zulm, il signifie de mettre une chose, de ne pas mettre une chose à sa bonne place. De ne pas mettre une chose à sa bonne place. ثلاثة أقسام. Et l'injustice, elle est de trois types. القسم الأول ظلم بين العبد وربه. Le premier type d'injustice, c'est l'injustice qu'il y a entre le serviteur et son seigneur. L'injustice que commet le serviteur envers son seigneur. وذلك بالشرك. Et cela, lorsque le serviteur, lorsque la créature associe à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque la créature attribue un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, et adore autre qu'Allah et fait du polythéisme, du shirk. وَهَذَا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ Et ceci, le shirk, le grand polythéisme, Allah ne le pardonne pas. Allah ne pardonne pas le polythéisme. قَالَ تَعَالَى إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Le Très-Haut dit, dans la traduction rapprochée du sens du verset, certes, le polythéisme est une immense injustice. وَقَالَ تَعَالَى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ Et également dans l'autre verset, Allah dit, dans la traduction rapprochée, ceux qui ont cru et qui n'ont point entaché leur foi par quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et le mot injustice dans ce deuxième verset, qui n'ont point entaché leur foi par quelconque injustice, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant « Yani bishirk » qui n'ont pas entaché leur foi par quelconque injustice, c'est-à-dire par quelconque acte de polythéisme. « Fahada al-shirk la yaghfiruhu Allahu illa bit-tawba » قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc ceci, le polythéisme, Allah ne le pardonne pas, si ce n'est pour celui qui s'en repent et qui le délaisse et qui revient à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Comme Allah l'a dit dans le verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé que ce soit. النوع الثاني من الظلم ظلم بين العبد ونفسه. Le deuxième type d'injustice, c'est l'injustice de la créature envers elle-même. وذلك بالمعاصي والسيئات. Ceci en commettant des péchés et en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الذي ظلم نفسه. Donc la créature qui commet des péchés et qui désobéit à Allah, il a été injuste envers lui-même. وهذا يعني السيئات التي دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. Et ceci, les péchés qui sont en dessous, qui sont moins graves que le polythéisme, tous les péchés qui ne sont pas du polythéisme ou de la mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala peut les pardonner à qui il veut. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes, Allah nous dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé que ce soit. Et il pardonne en dessous de cela à qui il veut. Wallahu alimun mimman yastahiqqu al-ghufran mimman la yastahiqquhu wa yastahiqqu al-adab. Et Allah sait mieux qui mérite le pardon et qui mérite le châtiment et la punition. An-naw' al-thalith min al-dhulm ظلم بين الإنسان والناس. Le troisième type d'injustice, c'est l'injustice que commet la créature vis-à-vis des autres. بالتعدي عليهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. L'injustice que commet la créature envers les autres en se prenant à leur bien ou à leur honneur ou à leur sang. وَهَذَا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ إِلَّا إِذَا سَمَحَ الْمَظْلُومُونَ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ أَنْ يُقْتَصَّ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ. Donc, ce genre d'injustice, l'injustice que commet l'homme, que commet l'être humain vis-à-vis des autres, en s'attaquant à leur bien, ou à leur honneur, ou à leur sang, ce genre d'injustice, Allah ne le pardonne que si les personnes opprimées accepte de pardonner à celui qui les a opprimés, à celui qui les a oppressés. Car s'il ne le pardonne pas, eh bien, il est obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala va nécessairement récupérer le droit de l'opprimé. لأنه حق مخلوق لا يسقط إلا بعفوه أو استيفائه. Car ça, c'est un droit dans le droit des créatures. Et le droit d'une créature ne peut être enlevé. Le droit d'une créature ne peut être enlevé que si cette créature pardonne ou qu'elle récupère son droit. Wallahu ta'ala harrama adh-dhulma 'ala nafsihi. يعني منع نفسه من الظلم لأنه لا يليق به سبحانه وتعالى. Donc, dans ce hadith, Allah nous dit qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. Il s'est interdit l'injustice car ceci ne lui convient pas, car cela ne lui convient pas. Cela ne convient pas à la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yu'adhibu ahadan bighayri 'amalihi. Donc il ne châtie personne si ce n'est à cause de ce que si ce n'est à cause de ses actes à elle-même. Personne n'est châtié si ce n'est à cause de ses propres actes. La yu'adhibu ahadan illa bima amil. Il ne châtie les gens qu'en fonction de ce qu'ils ont fait. Wa hadha huwa al-'adl. Et ceci est la justice et l'équité. Amma law 'adhabahu 'ala shay'in lam ya'malhu fa hadha dhulm. Wallahu subhanahu munazzahun 'anhu. Subhanahu. Donc, par contre, si Allah punirait des gens pour des choses qu'ils n'ont pas fait, qu'ils n'ont pas commises, ceci serait de l'injustice. Et Allah subhanahu wa ta'ala est purifié de cela. Allah subhanahu wa ta'ala s'est préservé de cela, d'être injuste. Wa qawluhu wa ja'altuhu baynakum محرمة أي بين العباد أن الله عز وجل حرم الظلم بين العباد c'est-à-dire lorsqu'il dit et je vous l'ai rendu interdite en parlant de l'injustice c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice entre les créatures وأخبر أنه يأخذ الظالمين ويهلكهم il nous a informé également Allah nous a informé qu'il punira les injustes, qu'il punira les injustes et les anéantira. قال تعالى ولا تحسبن الله غافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. C'est-à-dire, et ne pense pas et ne pense pas qu'Allah est insouciant de ce que font les injustes. Dans la suite du verset, il dit: Innama yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Dans la suite du verset, il dit: Certes, il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. فمهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا أو آجلا. Donc peu importe l'injustice que commet l'être humain, et l'orgueil dans lequel il s'enfonce, il va nécessairement rencontrer son injustice. Il va nécessairement récolter les bénéfices de son injustice, les résultats de son injustice, ici-bas ou dans l'au-delà. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à Mu'adh ibn Jabal رضي الله عنه, qu'Allah l'agrée, et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a entre elle et Allah aucun voile. Car il n'y a aucun voile entre elle et Allah, il n'y a aucun voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah. سواء كان المظلوم مسلما أو كافرا. Que l'opprimé soit musulman ou mécréant. لا يجوز ظلم أحد. حتى الكفار لا يجوز ظلمهم. Il n'est permis d'être injuste envers personne. Même les mécréants, il est interdit d'être injuste envers eux. قال تعالى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Et que la haine, Allah nous dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et que la haine pour des gens ne vous pousse pas à être, ne vous pousse pas, et que la haine pour des gens ne vous pousse pas à ne pas être juste. Soyez juste. Ceci est plus proche de la piété. وَدُعَوُ الْمَظْلُومُ مُسْتَجَابُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَرْضَ بِالظُّلْمِ وَالتَّعَدِّي. Et donc l'invocation de l'opprimé est exaucée. Fût-il mécréant. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'injustice. قوله سبحانه: فلا تظلموا اي لا يظلم بعضكم بعضا. Puis lorsque Allah dit donc à la fin de ce passage, il dit: ne commettez donc pas d'injustice entre vous, c'est-à-dire que les uns ne soient pas injustes envers les autres. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى من تظالم العباد. Et ceci est une mise en garde d'Allah contre le fait d'être injuste envers les créatures. وقد حذر الله من الظلم في كتابه في آيات كثيرة. Et Allah a mis en garde contre l'injustice dans son livre, dans le Coran, dans beaucoup de versets. وتوعد الظالمين. Et il a menacé les injustes. وضرب لنا الأمثلة للظلمة الذين أخذهم الله عز وجل تحذيرنا من الظلم. Allah nous a donné les exemples. Allah nous a donné des exemples d'injustes qui ont existé et qu'il a saisis. Tout cela pour nous mettre en garde contre l'injustice. ومن عادة الإنسان أنه ظلوم إلا من رحم الله. Et certes, il est une habitude malheureusement chez l'être humain d'être injuste, sauf celui qu'Allah a comblé de sa miséricorde. قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. Allah dit, en parlant de l'homme, dans la traduction rapprochée du verset, il dit, certes, l'homme est très injuste et très ignorant. Illa man manna Allah alayhi bid-din wal iman, fa innahu yatatahharu min hadhihi al-khasla. Sauf celui à qui Allah a accordé la religion et la foi. Celui-là, il se purifie de ce défaut qu'est l'injustice. ثم في هذا الحديث يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. Puis ensuite Allah dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que je guide, donc demandez-moi la guider et je vous guiderai. كل العباد ضالون عن الحق. Toutes les créatures sont égarées et ne sont pas dans la vérité. إلا من هداه الله. Sauf celui qu'Allah a guidé. أي دله وأرشده إلى الحق وثبته عليه. C'est-à-dire, sauf celui qu'Allah a guidé, en lui montrant le droit chemin et lui indiquant la vérité et en l'affermissant sur cette vérité. فلولا هداية الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الأدلة للناس لبقوا في ضلالهم. Donc s'il n'y avait pas la guidée d'Allah par l'envoi des prophètes et la descente des livres saints et en exposant les preuves aux gens, s'il n'y avait pas cette guidée d'Allah, les gens resteraient dans l'égarement et dans l'ignorance. ولكن الله من رحمته بهم هداهم ودلهم وارشدهم ووفقهم وثبتهم. Mais Allah, par sa miséricorde, il les a guidés en leur indiquant le droit chemin et en les guidant vers lui et en leur accordant le succès et en les affermissant sur le droit chemin. Et sachez que la guidée, elle est de deux types. La guidée est de deux types. Al-oula, hidayatul bayani wal irshad. Le premier type de guidée, c'est la guidée par l'explication et l'indication. وهذه حاصلة لكل أحد. Et celle-là, tout le monde y a eu droit. فالله قد هدى الناس جميعا المؤمنين والكفار بمعنى أنه بين لهم وأرشدهم ودلهم على الصواب بإرسال الرسل وإنزال الكتب. Car Allah a guidé toute l'humanité, les croyants tout comme les mécréants, c'est-à-dire qu'il leur a expliqué, il leur a indiqué la vérité lorsqu'il a envoyé des prophètes et qu'il a fait descendre des livres. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Et si Allah dit dans la traduction rapprochée du sens du verset, et s'il vous vient de ma part une guidée, alors quiconque suit ma guidée n'aura aucune crainte et ne sera point attristé. وقال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. Également, dans un autre verset, Allah il dit: quant au peuple de Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. فهديناهم يعني دللناهم على الإيمان وعلى الطريق الصحيح لكنهم لم يقبلوا الهدى بل استحبوا العمى على الهدى هذه هداية عامة. Donc lorsqu'il dit dans ce verset, quant au peuple de Thamoud, nous les avons guidés, c'est-à-dire nous leur avons indiqué la foi, et nous leur avons indiqué le droit chemin, mais ils n'ont pas accepté la guidée, ils ont préféré l'aveuglement et l'égarement à la guidée. Donc cette guidée, qui est la guidée donc d'explication et d'indication, c'est une guidée qui est générale, qui touche tout le monde, les croyants tout comme les mécréants. والثانية هداية خاصة وهي هداية التوفيق والقبول. Et la deuxième guidée, le deuxième type de guidée, c'est une guidée spécifique qui est la guidée d'acceptation et de suivi. Guidée d'acceptation et de suivi. وهذه لا ينالها إلا أهل الإيمان. Et celle-ci, il n'y a que les croyants qui l'ont obtenue. Donc, la première guidée, qui est la guidée donc d'explication et d'indication, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il, en envoyant des prophètes et en faisant descendre des livres, il a expliqué la vérité aux gens et leur a montré le droit chemin afin qu'ils le suivent. Et la deuxième guidée, qui est quoi? Qui est le fait que certaines personnes ont accepté cette explication et cette indication d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont suivi le droit chemin. فقوله في هذا الحديث كلكم ضال إلا من هديته يعني وفقته للحق وهي الهداية الخاصة. Donc dans ce hadith, lorsqu'il dit vous êtes tous égarés sauf celui que je guide, c'est-à-dire celui que je guide à la vérité, et donc c'est la guidée spécifique. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية. Donc demandez-moi la guidée, il dit. بأن تقول اللهم اهدني. En disant: oh Allah, guide-moi. اللهم دلني على الخير. Allah, indique-moi le bien. اللهم وفقني له. Allah, aide-moi à suivre le bien et la vérité. اللهم ثبتني عليه. Allah, affermis-moi sur la vérité. تكثر من الدعاء أن يهديك الله سبحانه وتعالى. Tu dois multiplier les invocations pour demander à Allah de te guider. Et c'est pour cela qu'Allah سبحانه وتعالى a rendu obligatoire sur le musulman de dire dans sa prière, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous au droit chemin. Guide-nous au droit chemin. Yani, guide-nous au droit chemin, c'est-à-dire guide-nous, c'est-à-dire guide-nous vers le droit chemin et guide-nous dans le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous au droit chemin, c'est-à-dire guide-nous vers le droit chemin et guide-nous dans le droit chemin. Je vais expliquer. La guidée, elle contient 2 degrés. La guidée contient 2 degrés. Al-hidayatu martabatan. Al-martabatul ula hidayatun ila tariq. Le premier degré de guidée, c'est la guidée vers le droit chemin. بمعنى الإرشاد إليه الإرشاد إلى الإسلام والتوفيق له donc guide-nous vers le droit la guider vers le droit chemin donc c'est le fait d'être guidé vers le chemin de l'islam. Le fait qu'on t'indique le chemin de l'islam et qu'Allah t'accorde la guider de sorte que tu rentres dans l'islam et tu suis la religion de l'islam. Et le deuxième degré, al-hidayatu ila tafasil al-iman wa al-islam. وما يحب الله عز وجل ويرضى وهي الهداية donc le deuxième degré c'est la guider dans le droit chemin. Une fois que tu es rentré dans l'islam, que tu suis la religion de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala va encore te guider vers les détails et les précisions de la foi et de l'islam. Tu vas connaître ce qu'Allah aime et agrée. وَمَا يَسْخَطُهُ وَيَأْبَى Et tu vas connaître également ce qui provoque la colère d'Allah. Ce qu'Allah n'aime pas et ce qui provoque sa colère. Donc ce sont les 2 degrés de la guidée. Le premier degré, c'est la guidée vers le chemin de l'islam. Que tu deviennes musulman. Et le deuxième degré, c'est que tu avances dans cet islam. Donc, c'est la guider dans le droit chemin. Tu apprends au fur et à mesure et tu appliques. Et donc, tu avances dans ce droit chemin et dans cette guidée. Donc, pour résumer tout ça, il y a des gens à qui on va indiquer le chemin de l'islam. Donc, les preuves leur sont présentées. Et donc, toutes ces personnes à qui l'islam est présenté, avec les preuves, après, ils vont se diviser de 2 types. Ceux qui vont accepter la vérité de l'islam et ceux qui vont refuser la vérité de l'islam. Les premiers, ceux qui ont accepté la vérité de l'islam, ils ont reçu les deux types de guidés. La guidée d'indication, d'explication, et la guidée de suivi et d'acceptation. Alors que le deuxième groupe, à qui l'islam a été présenté, mais non, ils ont refusé la vérité de l'islam, ces gens-là, ils ont obtenu la première guidée qui est la guidée d'explication, ils ont reçu l'explication de l'islam, mais ils n'ont pas reçu la guidée d'acceptation. Puis après, le premier type de ceux, dans ceux qui ont accepté l'islam, après cela, ils vont avancer donc dans leur islam. Ou ne pas avancer. Il y a ceux parmi eux qui vont atteindre le deuxième degré de guidée, qui est la guidée vers les détails et les précisions de l'islam. Lorsqu'ils vont apprendre, ils vont étudier l'islam, au fur et à mesure, ils vont avancer. Il y a ceux qui vont rester au point de départ en ne connaissant que des choses basiques, ils ne vont pas progresser dans leur islam. Puis après, ces gens-là qui auront progressé dans leur connaissance de l'islam, également, ils vont se diviser de deux types. Ceux qui vont appliquer leur connaissance, ces gens-là, donc, seront les meilleurs des créatures, ceux qui sont rentrés dans l'islam, puis qui ont progressé dans la connaissance de l'islam et qui ont appliqué leur connaissance. Ces gens-là, donc, sont les meilleurs. Et les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième type, ceux qui vont progresser dans leur connaissance de l'islam, mais qui vont avoir des manquements dans l'application de leur connaissance. Et donc la guidée totale, comme nous avons dit, c'est pour les gens qui sont rentrés dans l'islam, ont progressé dans la connaissance de l'islam et dans l'application de leur connaissance de l'islam. Et c'est ce que doit rechercher tout musulman. À apprendre sa religion, à apprendre les détails et les précisions de sa religion pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et appliquer ses connaissances. Taïm. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith Qudsi, il dit « Ahdikum, je vous guiderai. Demandez donc moi la guider et je vous guiderai. فَمَنْ طَلَبَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى الْهِدَايَةَ بِصِدْقٍ وَإِقْبَالٍ وَرَغْبَةٍ هَدَاهُ لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَدْ وَعَدَ أَنَّ مَنْ اِسْتَهْدَاهُ فَإِنَّهُ يَهْدِيهِ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُخْلِفُ وَعْدَهُ فهذا مما يؤكد على العبد أن يكثر من سؤال الله الهداية. Donc celui qui demande à Allah la guider avec sincérité, avec motivation, avec engouement, eh bien cette personne-là, Allah va le guider. Car Allah est celui qui est proche et qui exauce les invocations de ses serviteurs. Et il a promis que quiconque lui demande la guider, qu'il le guidera. Et certes, Allah ne manque jamais à sa promesse. Donc tout ceci prouve et confirme que le serviteur doit multiplier les invocations à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément, il disait Allahumma inni as'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-iffata wa al-ghina. Le prophète sallam multipliait cette invocation en disant: Ô Allah, je te demande la guider, la piété, la pudeur ou la chasteté et la richesse. Ô Allah, je te demande la guider, la piété, la chasteté et la richesse. Et la richesse dans ce hadith, c'est la richesse du cœur. Et également, parmi les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait énormément: Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Il disait: Allah, ô toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et également, il disait énormément: Ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Ô toi qui diriges les cœurs, dirige mon cœur vers ton obéissance. Et ceci, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de nous? Nous devons absolument multiplier de ce genre d'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, à demander la guider à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous guide dans la vérité et qui nous affermissent sur la vérité jusqu'à ce que nous revenions, jusqu'à ce que nous revenions vers lui, subhanahu wa ta'ala. Puis dans le hadith, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtu. Allah dit: Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf celui que je nourris. الرزق من الله عز وجل فهو الرزاق ولولا رزقه لجاع الناس وجاعت المخلوقات ولكن الله يقوم برزقها وإيصال الرزق إليها تفضلا منه سبحانه وتعالى. Donc la subsistance provient d'Allah. C'est lui qui pourvoit. C'est lui le pourvoyeur. Et s'il ne subvenait pas à nos besoins, et s'il n'accordait pas la subsistance, certes, les gens seraient affamés, les créatures seraient affamées. Et Allah, par sa miséricorde et par sa grâce, il accorde la subsistance à toutes les créatures. Et il leur fait parvenir leur subsistance. الرزق ليس بحولنا ولا قوتنا وإنما هو تفضل من الله عز وجل. Donc la subsistance notre subsistance, elle ne vient pas de notre force et de notre puissance, mais c'est une grâce venant d'Allah. لكن نحن نعمل الأسباب لطلب الرزق والنتائج بيد الله سبحانه وتعالى. Cependant, nous devons faire les causes pour rechercher notre subsistance et laisser le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala, laisser le résultat entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit: Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtu. Puis il dit: Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf celui que j'habille. Donc, vous êtes tous nus, c'est-à-dire vous n'avez pas d'habits pour cacher vos parties et pour vous réchauffer et pour vous embellir. Sauf celui qu'Allah a vêtu. وَهَذِهِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Et ceci également provient d'Allah. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. Allah dit: Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements afin que vous cachiez vos parties intimes et en tant que parure, et le vêtement de la piété est bien mieux. Donc lorsqu'il dit dans ce verset, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher vos parties intimes. C'est-à-dire, non, qui cache les parties intimes, qui est ça donc le minimum. Et en tant que miséricorde, et en tant afwan, et en tant que parure, c'est-à-dire embellissement. Libas ou ala qismain, donc le vêtement, il est de deux types. Libasun li satri al-awra wa libasun litajammul. Un vêtement pour cacher les parties et un vêtement pour s'embellir. Et Allah, donc, il nous dit, Fastaksuni aksukum. Donc, demandez-moi de vous habiller et je vous habillerai. Demandez-moi de vous vêtir et je vous vêtirai. Et pareillement, pour la nourriture, il a dit, demandez-moi de vous nourrir et je vous nourrirai. Fahada kulluhu dalilun ala da'fi l'insan wa hajatihi ila Allahi azza wa jal. Donc tout ceci montre la faiblesse de l'être humain et la nécessité qu'il a de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin d'Allah. Idha kana la yamliku ta'amahu wa la yamliku kiswatahu illa bi an yatluba min Allah jalla wa ala an yamunna alayhi. Fa hadha dalilun ala da'fihi wa dalilun ala fadli Allah azza wa jalla. فهو الذي أطعمنا وسقانا وهو الذي كسانا من فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. En effet, si l'être humain ne possède pas sa nourriture et ne possède pas ses vêtements, si ce n'est en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder ces choses, eh bien, ceci prouve sa faiblesse et ceci prouve la grâce d'Allah et le bienfait d'Allah, car c'est lui qui nous nourrit et qui nous abreuve, et c'est lui qui nous vêtit par sa miséricorde, par son bienfait et sa miséricorde. Inch'Allah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je terminerai demain bi'idhnillahi ta'ala. وأسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يثبتنا عليه وأن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وأن يجعلنا من الراشدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.